Dites-moi, qui es-tu? Tu es qui? Ni shi she. Qui es-tu? Ni shi she. Je suis un étudiant. Wo shi yige xue sheng. Je suis un étudiant. Wo shi yige xue sheng. Qui est-ce là? Na shi she. Comment dis-tu qui? She. Ah, pardon, c'est le mauvais ton. She. Qui est-ce là? Na shi shei. C'est notre professeur. C'est un bon professeur. Donc, c'est notre professeur avec celui-là. Na shi wo men de lao shi. Il est un bon professeur. Ta shi yi ge hao lao shi. C'est notre professeur. C'est un bon professeur. Na shi wo men de lao shi. Ta shi yi ge hao lao shi. Dites-moi, c'est un livre en employant ceci. Zhe shi shu. Et comment dites-vous un livre? Zhe shi yi ge shu. C'est un livre. Zhe shi yi ge shu. Dites, qu'est-ce que c'est là? Na shi shem. Comment dis-tu quoi? Shem. Shem. Shem. Shem. Oui, c'est un doigt bleu levé suivi d'un point fermé. Alors, comment dit-on? Qu'est-ce que c'est là? Na shi shem. C'est aussi un livre. Cela aussi est un livre. Na ye shi yi ge shu. C'est aussi un livre. Na ye shi yi ge shu. Dites-moi, bien sûr que c'est un livre, sans traduire le que ni le un en chinois. Donc on dira, bien sûr c'est livre. Danger. Comment dites-vous bien sûr? Danger. C'est dang ran. Dang ran. Oui, dang ran. Bien sûr que c'est un livre. Dang ran, na shi shu. Bien sûr que c'est un livre. Dang ran, na shi shu. Comment direz-vous? Je voudrais le voir parce que c'est un bon professeur. J'ai envie de le voir. Littéralement, voir lui ou il. Wo xiang jian ta. Parce que c'est un bon professeur. Yin wei ta ta shi yi ge hao lao shi. Je voudrais le voir parce que c'est un bon professeur. Wo xiang jian ta yin wei ta shi yi ge hao lao shi. Qui es-tu? Ni shi shei. Qui es-tu? Ni 是谁？ Je suis un étudiant. 我是一个水生。 Comment dites-vous je? 我 Oui, comment dites-vous étudiant? 水生 Attention, on dit 学生 Je suis un étudiant. 我是一个学生 Qui est-ce là? 那是谁? Qui est-ce là? 那是谁? Répondez, c'est un étudiant avec celui-là. 那是一个学生。 C'est un étudiant. 那是一个学生。 Qui est-ce? 这是谁? Qui est-ce? 这是谁? C'est mon ami. 这是我的朋友。 C'est mon ami. 这是我的朋友。 Qu'est-ce que c'est là? 那是什么? Qu'est-ce que c'est là? 那是什么? Répondez, c'est mon livre, avec ce dans le sens de cela. 那是我的书。 C'est mon livre. 那是我的书。 Qui est-ce là? 那是谁? Qui est-ce là? 那是谁? Répondez, c'est ma petite amie, avec ce dans le sens de celle-là. 那是我的女朋友。 C'est ma petite amie. 那是我的女朋友。 Qui est-ce? 这是谁? Qui est-ce? 这是谁? C'est mon professeur de français. 这是法文。 Mon. Excusez-moi. 这是我的法文老师。 C'est mon professeur de français. 这是我的法文老师。 Qui est-ce là? 那是什么？什么？Non. 那是谁 ？Est-ce que vous pouvez répéter qui est-ce là? 那是谁? Qui est-ce là? 那是谁? Répondez, oh, c'est mon ami français. Littéralement, celui-là est mon ami français. Oh, 那是我的法国朋友。 Comment dites-vous France? 法国。 Il faut dire 法国。 Oh, c'est mon ami français. Oh, 那是我的法国 朋友